Lettre 25e. La chapelle expiatoire, les statues, personnes qui la fréquentent, le marché aux fleurs de la Madeleine, visité par les petites maîtresses. De tous les édifices qui ont été achevés à Paris depuis mon dernier voyage, il n'y en a point qui me plaise comme la petite chapelle expiatoire érigée à la mémoire de Louis XVI et de sa belle et malheureuse reine. Ce monument projeté et commencé par Louis XVIII fut achevé par Charles X. Il s'élève sur l'emplacement où furent jetées une foule de victimes massacrées en 1793 par la tyrannique populace. Le bruit de la destruction des restes royaux par de la chaux vive fut, dit-on, répandu exprès pour empêcher qu'on ne les cherchât, ce qui aurait pu occasionner, peut-être, une dangereuse réaction dans l'esprit de la capricieuse populace. Ces corps et plusieurs autres furent placés dans des cercueils qui, portant le nom des victimes, demeurèrent, longtemps encore après la Révolution, enterrés dans un grand chantier, à peu de distance du lieu de l'exécution. Tout le monde savait qu'une vaste fosse creusée en ce lieu renfermait ces funestes reliques, mais leur modeste sépulture resta intacte jusqu'après la Restauration, quand une recherche fut faite et les corps des augustes guillotinés furent trouvés. Leurs ossements furent portés ensuite à l'antique église de Saint-Denis, mais le lieu où ils avaient si longtemps reposé fut consacré et est devenu maintenant le site de cette belle petite chapelle expiatoire. Le terrain au milieu duquel cet édifice se trouve placé est considérable. Il s'étend depuis la rue de l'Arcade jusqu'à la rue d'Anjou. Ce terrain est entouré de rangs serrés de cyprès, protégés par de fortes palissades peintes avec goût. L'édifice lui-même et tout ce qui l'accompagne est du meilleur goût, simple, gracieux et grave. L'intérieur forme une petite croix grecque, chaque extrémité de laquelle se termine en un demi-cercle surmonté d'un demi-dôme. L'espace qui est au-dessous du dôme central est occupé par des chaises et des bancs recouverts en velours cramoisi à l'usage des fidèles, fidèles sous tous les rapports, qui viennent assister à la messe que l'on célèbre ici tous les jours. Tant que la fille du monarque assassiné habite à Paris, il se passait peu de jours où elle ne vint déposer ses peines au pied de l'autel expiatoire. Une des quatre extrémités circulaires est occupée par l'autel. En face se trouve l'entrée, et les deux autres sont remplies par deux groupes de marbre blanc d'une heureuse et touchante composition. Celui qui est à droite de l'autel représente Marie-Antoinette agenouillée devant une croix, soutenue par un ange, et celui de gauche, le monarque si indignement assassiné, dont elle partagea la destinée aussi cruelle que peu méritée. Sur le piédestal de la statue du roi, on a inscrit son testament, sur celui de la reine, sa lettre d'adieu à Madame Élisabeth. Il est impossible de rien voir de plus pur et de plus délicat que le petit nombre d'ornements qui décorent cette chapelle. Il ne se compose, si je me les rappelle bien, que de candélabres dorés placés dans des niches pratiquées dans les murs de marbre blanc. L'effet de l'ensemble est beau et frappant. J'y vais souvent. Et pourtant, j'ai peine à comprendre d'où naît le charme qui m'attire dans ce petit édifice et à cette messe qui s'y célèbre sans musique et dans un profond silence. La distance n'est pas grande de l'appartement que nous occupons, rue de Provence, et la promenade remplit exactement le temps qui précède le déjeuner. J'y suis allé une fois, un dimanche matin, avec une partie de ma famille, et je trouvais la chapelle si pleine qu'il était impossible de juger de l'élégante beauté de ses proportions. Les pâles images des augustes morts n'étaient plus les principaux objets qui fixaient mes regards, et quoique je ne doute pas que toutes les personnes présentes ne fussent de ces esprits fidèles avec les sentiments desquels j'étais fort disposé à sympathiser, je cherchais, mais en vain, à lire sur ces fronts attristés l'histoire de chaque individu et à y rattacher un roman comme j'ai coutume de le faire dans mes visites des jours de la semaine. Il y a, par exemple, deux dames que j'y vois toujours, et toujours à la même place et dans la même attitude. Je suis bien certaine que la plus âgée des deux doit avoir passé sa jeunesse auprès de Marie-Antoinette, car c'est au pied de sa statue qu'elle s'agenouille, ou plutôt se prosterne, car elle jette les bras en avant sur un coussin qui est placé devant elle, et laisse retomber sur eux sa tête appesantie par les années, avec un air de douleur qu'il me serait impossible de décrire. La jeune personne qui toujours l'accompagne et se met à genoux près d'elle est, je pense, sa petite fille. L'une et l'autre ont la noblesse de leur origine empreinte sur chacun de leurs traits en caractères que l'on ne saurait méconnaître. La vieille dame est fort pâle, et la jeunesse de l'autre ne paraît pas se passer dans la gaieté et les plaisirs. Je vois aussi un vieillard, constant dans ses visites à cette triste chapelle. Il offre un parfait modèle du bon vieux temps, mais son front porte une expression à la fois sévère et triste, qui paraît être l'exacte contrepartie, modifiée par la différence des sexes, de ce qui se passe dans le cœur de la dame du côté opposé. Ce sont là des figures qui font reculer d'un demi-siècle mes réflexions, et quand je les vois, assistant à une messe pour le repos de l'âme de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mon imagination est exaltée à un point incroyable. J'ai essayé de décrire ce lieu funèbre et ce que j'ai vu avec d'autant plus de détails que, tout facile qu'en est l'accès, vous pourriez aller 10 fois à Paris sans le voir, ce qui arrive en effet à des centaines de voyageurs anglais. La principale cause en est qu'il ne s'ouvre pas au public comme un monument curieux et que l'on n'y peut entrer qu'au moment de la messe, qui se dit à une heure fort incommode de la matinée. Cet édifice sacré, ne pouvant pas strictement être considéré comme un monument public, on aurait bien pu lui épargner la décoration du drapeau tricolore. Non loin de cette chapelle se trouve un autre établissement d'un genre bien différent. C'est le marché aux fleurs, qui se tient maintenant sous les murs et près des colonnes de la majestueuse église de la Madeleine. Cette belle collection de fleurs me semble produire, par sa situation, un effet très singulier. Les attributs respectifs de l'art et de la nature paraissent renversés. Ici, l'art paraît sublime, vaste et durable, et la nature petite, fragile et passagère. Il m'est souvent arrivé, après avoir contemplé un objet d'art jusqu'à ce que mon admiration se soit changée en enthousiasme, d'aller chercher ensuite quelques merveilleuses combinaisons de montagnes et de vallées, de rochers et de rivières, de forêts et de cataractes, et en fixant les regards sur eux, j'éprouvais comme un sentiment de honte d'avoir permis aux ouvrages de l'homme de produire sur moi une extase presque aussi grande. Ici, au contraire, quand je lève les yeux de l'amas de petites fleurs de 1000 couleurs vers la simple et solennelle magnificence de cette longue colonnade, avec sa blancheur éblouissante et sa solide majesté pleine de force et de grâce, je me sens presque disposé à nous trouver fort ridicule, moi et ceux qui m'entourent, de nous occuper si fort des roses, des œillets et des résédas à nos pieds. Mettant toutefois de côté toute réflexion philosophique sur sa position locale, ce nouveau marché aux fleurs est une délicieuse acquisition pour les petites maîtresses de Paris. Depuis longtemps, nous nous proposions d'aller visiter un jour le marché aux fleurs, sur son quai éloigné, près de Notre-Dame. Et quoique sa beauté et le parfum qu'il exhale puissent bien dédommager de la perte de quelques moments de sommeil, il est certain que les brillantes décorations qu'il offre au boudoir y doivent être bien plus souvent choisies par le maître d'hôtel ou la femme de chambre que par la belle dame elle-même. Maintenant, nous pouvons, 3 fois par semaine, voir le nouveau marché fréquenté par une foule de jeunes femmes dans ce déshabillé piquant et gracieux, qui, réunissant une coquetterie soignée à une maligne indifférence, donne un charme inexprimable à la toilette du matin d'une jolie Française. Plus d'une fois, en effet, on rencontre sur la place de la Madeleine des figures comme celles que je viens de décrire, qui, suivies d'une soubrette bien mise, viennent faire leur provision de fleurs avant que la fraîcheur ait quitté leurs yeux ou les roses qu'elles achètent. La robe blanche faite en forme de peignoir, les cheveux en papillote, le chapeau de paille tout uni, baissé sur les yeux, et le vaste châle couvrant la toilette tout entière, suffiraient pour déguiser complètement l'élégante qui parcourt ces allées parfumées. Si l'œil exercé ne reconnaissait qu'un voile de dentelle fine sert à nouer le simple bonnet sous le menton, que le châle est de cachemire, et que la petite main qui se dégante pour toucher un myrte ou une fleur d'oranger est blanche comme cette fleur.